Unité 1. Conversation. Écoutez. Je suis un étudiant. Je m'appelle Jacques. Il est un étudiant. Il s'appelle Pierre. Répétez. 1. Je suis un étudiant. 2. Je m'appelle Jacques. 3. Il est un étudiant. 4. Il s'appelle Pierre. Écoutez. Qui est Pierre? Qui est Pierre? Pierre est un étudiant. Pierre est un étudiant. Répétez. 5. Qui est Pierre? 6. Qui est Pierre? 7. Pierre est un étudiant. 8. Pierre est un étudiant. Écoutez. Je suis une étudiante. Je m'appelle Marie. Elle est une étudiante. Elle s'appelle Anne. Répétez. 9. Je suis une étudiante. 10. Je m'appelle Marie. 11. Elle est une étudiante. 12. Elle s'appelle Anne. Écoutez. Qui est Marie? Qui est Marie? Marie est une étudiante. Marie est une étudiante. Répétez. 13. Qui est Marie? 14. Qui est Marie? 15. Marie est une étudiante. 16. Marie est une étudiante. Écoutez. Bonjour, Jacques. Bonjour, Paul. Comment vas-tu? Je vais très bien. Répétez. 17. Bonjour, Jacques. 18. Bonjour, Paul. 19. Comment vas-tu? 20. Je vais très bien. Écoutez. Comment vas-tu, Paul? Je vais très bien. Et comment va Pierre? Il va bien. Comment va Jeanne? Elle va bien. Répétez. 21. Comment vas-tu, Paul? 22. Je vais très bien. 23. Et comment va Pierre? 24. Il va bien. 25. Comment va Jeanne? 26. Elle va bien. Répondez, répétez. 27. Comment vas-tu, Paul? 28. Je vais très bien. 29. Et comment va Pierre? 30. Il va bien. 31. Comment va Jeanne? 32. Elle va bien. Écoutez. Paul, où vas-tu? Je vais à l'école. Et toi? Je vais chez moi. Répétez. 33. Paul, où vas-tu? 34. Je vais à l'école. 35. Et toi? 36. Je vais chez moi. Répondez, répétez. 37. Paul, où vas-tu? 38. Je vais à l'école. 39. Et toi? 40. Je vais chez moi. Écoutez. Où va Pierre? Il va au cinéma. Où va Anne? Elle va à la poste. Répétez. 41. Où va Pierre? 42. Il va au cinéma. 43. Où va Anne? 44. Elle va à la poste. Répondez, répétez. 45. Où va Pierre? 46. Il va au cinéma. 47. Où va Anne? 48. Elle va à la poste. Écoutez. Où allez-vous? Nous allons à la poste. Où vont Jacques et Marie? Ils vont au cinéma. Répétez. 49. Où allez-vous? 50. Nous allons à la poste. 51. Où vont Jacques et Marie? 52. Ils vont au cinéma. Répondez, répétez. 53. Où allez-vous? 54. Nous allons à la poste. 55. Où vont Jacques et Marie? 56. Ils vont au cinéma. Écoutez. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Que fait Pierre maintenant? Il va chez Paul. Que fait Anne maintenant? Elle va à la poste. Que font Jacques et Marie maintenant? Ils vont au cinéma. Que font Jeanne et Anne maintenant? Elles vont chez Marie. Répétez. 57. Que fais-tu maintenant? 58. Je vais chez moi. 59. Que fait Pierre maintenant? 60. Il va chez Paul. 61. Que fait Anne maintenant? 62. Elle va à la poste. 63. Que font Jacques et Marie maintenant? 64. Ils vont au cinéma. 65. Que font Jeanne et Anne maintenant? 66. Elles vont chez Marie. Répondez, répétez. 67. Que fais-tu maintenant? 68. Je vais chez moi. 69. Que fait Pierre maintenant? 70. Il va chez Paul. 71. Que fait Anne maintenant? 72. Elle va à la poste. 73. Que font Jacques et Marie maintenant? 74. Ils vont au cinéma. 75. Que font Jeanne et Anne maintenant? 76. Elles vont chez Marie. Écoutez. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 10 rue Molière. Où habite Marie? Elle habite 3 rue Montmartre. Répétez. 77. Que fais-tu maintenant? 78. Je vais chez moi. 79. Où habites-tu? 80. J'habite 10 rue Molière. 81. Où habite Marie? 82. Elle habite 3 rue Montmartre. Répondez, répétez. 83. Que fais-tu maintenant? 84. Je vais chez moi. 85. Où habites-tu? 86. J'habite 10 rue Molière. 87. Où habite Marie? 88. Elle habite 3 rue Montmartre.